Sans toi, la nuit est sans lumière. On dirait que la terre oublie ses souvenirs. Feuille morte qui s'envole à chacun de mes pas. Alors, je veux